Ça vous fait rien? Vous n'avez pas honte? Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans Et vous trouvez ça drôle, vraiment le podcast qui regarde des comédies françaises, bien évidemment, et qui essaie de déterminer si elles sont drôles ou pas. Je suis Florent et je suis accompagné de mon binôme de toujours, Tom. Salut Tom, comment ça va? Salut Flo, ça va pas mal. Après 20 ans d'écart. Après 20 ans d'écart, potentiellement un grand écart, puisque ce mois-là, cet épisode-là, on parle du Grand Soir. Alors, le Grand Soir. Moi, c'était un film que je voulais voir, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas encore fait. On avait fait... On avait fait des réals un petit peu, on va dire, clés, comme Toledano Nakash, on avait fait Monsieur Oiseau, etc. Mais on n'avait toujours pas fait de Ker Verne et Delépine, puisque Ker Verne et Delépine, c'est pareil, ils sont souvent en duo quand ils sortent des films, oui. Et on est quand même sur un duo assez, assez prolifique. Donc voilà. Quand on vit dans la rue, il faut s'économiser. Un petit café. Il faut prendre son temps. J'ai compris. On parle pas boulot. En même temps, avec Ben, parler boulot. Note. Je m'appelle pas Benoît, je m'appelle Note. Non, c'est important, ça. Arrête, je connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi. C'est un des rares endroits au monde où tu peux te promener dans les bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entouré de produits aux normes. Et ta connerie, elle est pas aux normes? Individu un peu louche, là, en galet 2, tu peux aller voir ce que c'est. Si jamais tu fous la merde, frère ou pas frère, je préviens la sécu. Direct. Oui, chérie, c'est moi. Mais toi, je te harcèle pas. J'appelle tranquille, là, pas de pression. Mais... C'est la crise, Bronzini. Certains ne sont pas taillés pour y survivre. Je ne veux plus vous voir, Bronzini. Agent pour PC. Ça s'arrange pas, j'ai encore autre chose sur la voie pompier, là, tu peux aller voir. Justice ! C'est très très bizarre, hein. Même voir un petit peu énervé. Et les gars ! Vos deux fils. Ouais ? T'as foutu avec mes cheveux? Ça va pas. Ouais. Elle sait rien, ça. Ça va mal aller. Moi, il y a quelques temps, je n'allais pas bien du tout. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est nous, on est tout droit! J'ai une propriété privée ici! Tout ce qui est à toi, c'est à nous, mon pote! C'est depuis que je te fréquente, je sens mieux les jambes. Ça va. Ah oui, ça va. Ça va pas du tout, ça. Comme je disais, hein, c'est sorti en 2012. C'est même le cinquième long métrage du duo des Grolandais. Puisque, bien évidemment, Ker Verne et Delépine sont d'abord connus pour leur participation à Groland. Et au casting, on a qui? Eh bien, on a Benoît Poulvorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, Bouly Lanners, on a Yolande Moreau, il y a Gérard Depardieu, Didier Vampas, donc on a vraiment... C'est du tout venant. Oui. un bon carnet d'adresses. Ah oui, un bon carnet d'adresses quand même. Au niveau de la réception publique et des spectateurs, il y a eu 430 000 spectateurs. C'est honnête, je pense, c'est pas le c'est million, pas fou, mais... C'est honnête pour un truc qui est parce que pourtant Groland, c'est un truc qui est quand même, même si ça perdure dans le temps, c'est quand même assez niche finalement. Ouais. Parce que faut adhérer au Groland. J'allais dire, donc ça m'étonne pas. J'allais dire expérimental. Ouais. Ouais. Oui, enfin, ouais. C'est un peu des deux quoi. Faut vraiment aller à fond dedans pour que tu puisses adhérer à ce truc là. Et puis après, ouais, c'est pas forcément ceux qui vont regarder Groland qui vont aller voir un film de Ker Verne et Delépine. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. C'est quoi l'histoire, Tom, de ce film? Alors, comment résumer ce film? On va dire que la narration suit l'histoire de... Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'ils étaient frangins. Deux frangins jouaient... C'est dit dès le début. Ça l'est dit quand ils sont en train de bouffer. Non, quand ils sont. Quand ils sont à la pataterie, Ah ouais. Là, bah, je vois ça. Enfin, ça l'est dit. Je l'ai. Moi, je l'ai. ou alors c'est que je l'ai perçu, je sais pas, mais il me semble que c'est dit tu me parles pas comme ça, enfin tu parles pas comme ça ton frangin ou je sais pas quoi. Ah ouais, parce qu'on reparlera de cette scène en fait très bizarre au départ où ils parlent, ils racontent tous les deux une histoire à leur père. Elle est lunaire, c'est totalement lunaire, c'est totalement what the fuck. Ça a pas dû être simple à tourner, ça a pas dû être simple à jouer, je pense. Non, c'est clair. Et donc ouais, c'est ouais un petit peu après que tu comprends quand ils sont frangins, deux frangins où au départ l'impression que ils tous les opposent puisque t'en as un qui est un punk à chien en fait et l'autre donc joué par Poulvord et l'autre qui est un employé d'un salon de enfin d'un truc de matelas de literie quoi un vendeur de literie et en fait je pense que tu as du mal à cerner la timeline sur laquelle ça dure, mais tu as une sorte de tranche de vie en fait au sein d'une zone industrielle commerciale qui est identifiée à Bègle en plus, hein, il s'en cache pas. Voilà. Oui, c'est identifié. Ouais. Ouais. Et voilà où ils vivent, voilà, c'est une leur vie de comment l'un de SDF et l'autre de vendeur à la petite semaine et où ils vont être amenés à interagir tous les deux et ce qui va leur arriver on va en parler dans le déroulé bien sûr puisque au final effectivement on a Benoît Poulvord en punk à chien crédible pour moi ça passe si, j'étais en train de me dire, est-ce que... Non, c'est... Ah, si, une crête, rasée de près, crête, un treillis, un pantalon de treillis, un Marcel, si, et puis son clébard. Il carbure à la 8-6, il appelle son chien 8-6 d'ailleurs. Très crédible. Et le personnage de Poulvord, en fait... on se rend compte que lui tranquille et c'est surtout son frère où lui on voit que ça commence à être un petit peu compliqué au niveau de ce qu'il est en train de vivre puisque visiblement il est en train de se faire à moitié virer potentiellement sur une procédure de divorce ou en tout cas de séparation il est déjà séparé de sa femme il est séparé mais peut-être qu'il est dans le déni. Il est dans le déni parce qu'il est toujours... Ah oui, totalement. Voilà. Ouais. Je pense que le fait de se faire virer, c'est la goutte de trop. Il va vriller total. Oui. Et puis il va se mettre à fréquenter son frère et à apprendre à vivre, entre guillemets, comme son frère pour que les deux deviennent des gros punks et aillent vers ce qu'on appelle le grand soir. Titre du film, donc. Mais en même temps, avec les parents qu'ils ont, gérant d'une pataterie où la mère, c'est Brigitte Fontaine, qui est déphasée au possible. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait souvenir de ce film. est-ce qu'elle joue super bien ou est-ce que c'est son état normal? On ne le saura peut-être jamais. Après, pour avoir vu un autre film du duo, c'est possible qu'il l'ait mené sur ce personnage-là comme ça. Parce que c'est vraiment que des personnages, mais hyper atypiques. Il n'y en a pas un qui est sur la normalité. Enfin, je repense notamment à cette scène où ils arrivent en Fenwick au niveau de chez un gars dans une ferme. Oui. Le mec est en train de se pendre, ils disent mais fais pas ça, enfin la vie est belle machin, et puis il enlève le truc et puis il se barre et c'est tout. Il fait hein, qu'est-ce que je viens de voir là, qu'est-ce quoi pour donc, que, pour ouais, que finalement c'est... spoiler 5 minutes plus tard dans le film il aille se pendre sur un manège. Ouais. Oui, c'est vrai. Et pareil la scène tu dis qu'est-ce que cette scène fout là? T'as un manège avec des balançoires et l'autre il est pendu à une des balançoires et le manège tourne et ça n'arrête pas. Ça dure un bon 15-20 secondes et tu dis, minimum oh le malaise que tu ressens. Mais je pense que ça c'est mais parce que ça, le pendu tu le vois passer 5-6 fois un minimum. Ouais, et c'est totalement voulu et je trouve que c'est plutôt pas déconnant à ce niveau-là. c'est un cinéma très curieux. C'est particulier. Ouais, ouais, c'est hyper particulier. Moi, c'est mon premier. Hein. J'avais jamais vu. Ouais, c'est particulier. Ouais. Et en même temps, là-dedans, il y a cette dose de, un peu de trucs oniriques, puisque les moments de concert avec Didier Vampass, c'est du rêve au final, puisque à chaque fois, on le voit qu'il se réveille, en sursaut. Il est la première fois dans une, enfin, il est dans une benne. Oui, dans une poubelle. Bon, ça tu fais oui, bon, peut-être pas, on va peut-être pas aller jusque là, même si pourquoi pas, pourquoi pas, mais oui, effectivement, c'est on avait Quentin Dupieux qui déjà était particulier. On est sur un autre niveau, on va dire là. On est peut-être pas aussi barré, un peu moins. Il y a ce réalisme en fait, caméra à l'épaule, c'est vraiment ancré dans la réalité, là où Dupieux. T'es toujours le cul entre deux chaises, entre te dire est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, qu'est-ce que je suis en train de voir. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment ancré dans le réel, c'est dans le magasin, tout ça. Même s'il y a des choses où tu te dis, attends, il a vraiment essayé de s'immoler dans un carrefour. C'est d'accord, c'est ok. Bon, oui. Mais c'est... je sais plus lequel j'avais vu, c'était un qu'ils avaient sorti il y a pas si longtemps, qui était passé sur Arte, et celui-là m'avait fait marrer, et je me suis dit, le grand soir, j'en avais entendu parler, et je me suis dit, pourquoi pas. Et il est pas tant comédie que ça, je trouve. Non, en fait, je cherchais, pendant mon visionnage, je cherchais les moments... parce que j'ai pas rigolé pendant le film, et j'étais en train de me dire, où est l'écriture de comédie du truc, parce qu'il est référencé comme une comédie, oui, c'est ça, il est référencé comme une comédie, mais je sais pas, peut-être que c'est le fait de se dire qu'il y a Dupontel quand il pète ses câbles, et qu'il vit sa descente aux enfers, même si c'est paradoxal, puisque une descente aux enfers, c'était pas censé rigoler. Oui, normalement, mais non. Dupontel, quoi, il est à fond dans son rôle et jamais dans l'excès. Il en fait des caisses. Jamais dans l'excès. Il est jamais dans l'excès. Donc on le voit jamais dans l'excès. Et tu me diras, c'est un peu pareil pour Poulvord. Il est jamais dans l'excès. Il est on est dans ce truc-là. Et je pense que c'est ce truc du fait qu'il soit dans l'excès où ils se sont dit, on va peut-être le référencer comme comédie quand même, parce que ça peut faire sourire. Hein. Mais on est plus sur une chronique sociétale. Ouais, totalement. D'un truc qui peut se passer où effectivement on est sur une zone industrielle, mais les zones industrielles, il y a des magasins qui vont, qui viennent. Là, on est sur un magasin visiblement au bout de course, puisque c'est peut-être une zone industrielle qui est un peu cachée. Et c'est pareil, j'ai pas trop compris l'unité de lieu, parce qu'on sait que le carrefour, c'est le carrefour de Bègle quand on les voit dans le supermarché, mais après t'as l'impression que c'est à la fois et hyper loin les autres magasins et hyper hyper proche, donc c'est assez bizarre en fait. C'est pour ça que tu vois, je te disais, t'as l'impression de naviguer entre rêve et réalité, mais pour autant bien ancré sur le truc. C'est la société de maintenant, et c'était en 2012. Ouais. Voilà. Et qu'ils aient réussi à convaincre les magasins de tourner à l'intérieur, de filmer les devantures et tout, un petit tour de force quand même, parce que finalement, la chronique sociale, je reprends ton expression, qui sont en train de tourner, les mecs, ils ont pas dû avoir accès au scénar, je pense. Ils ont juste dit, c'est un film avec Poulvord et Dupontel, c'est de Lévin Caverne qui le filme, est-ce que vous êtes d'accord, et tout. Signez là. Je suis pas sûr, parce que justement, comme on disait au début de l'épisode, Groland, c'est quand même hyper de niche, et c'est pas tous les trucs qui vont dire ok pour prêter leur image à deux mecs qui font des trucs à base de scatophilie, de zoophilie, de trucs avec les vieux, machin. Ils ont peut-être demandé, attendez, il y aura de la zoophilie, de la scatophilie, et les mecs ont dû dire non, et tu vois, mais il n'y en a pas, en l'occurrence, donc... Il n'y en a pas, ils sont restés très safe par rapport à ce qui se fait à Groland, et par rapport à ce qu'ils ont déjà pu faire à Groland, mais pour autant, c'est vrai que te dire... le nombre de magasins qui a dit ok d'accord, Genre, ne serait-ce que le truc de feu vert, ouais, tape dans l'affiche, là, y a pas de souci. Ça, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation pour ça? Je suis peut-être même pas sûr. Je suis pas sûr, mais comme tu vois que la scène dure un petit peu, puisqu'il tape dans le truc, il continue, il revient, il s'arrête, il revient, il retape, il repart, je me dis, les mecs seraient déjà sortis, donc c'est que s'il tape dedans et qu'il y a personne, c'est que ça a dû être préparé, parce que c'est pareil, tu vois un mec taper, tu vas le voir, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Il y a littéralement personne dans cette zone. Je pense que les jours de tournage c'était des dimanches, c'est pas possible. C'est pas, tu vois, tu sais dans les rues et tout, tu vois une ou deux bagnoles qui passent. Tu vois quasiment pas de voiture. Ces trucs là du lundi au samedi, ça fourmille de gens, c'est pas possible. Bien sûr. Et là tu vois qu'il y a rien, il y a personne. Il y a trois voitures, il y a pas un pélos qui marche et tout, tu te dis ah non, ils ont filmé surtout dimanche. Dans la zone de Bordeaux quoi. Ouais, c'est pas possible. Ne prends pas pour un con s'il te plaît, hein. Bordeaux, on connaît. Par contre la pataterie, je pense que eux ils ont dit oui pour tenter un dernier coup de pub gratos, tu vois. Et... Ah les gars, bon, allez. Ça, on tente. Bon, mais à l'époque, ça a pas bien 2012, marché. Pataterie, c'était bien. Là, ça allait, hein, Pataterie, non, ça, en 2012. Hein. Oui, ça marche encore. Je crois que c'est 5 ou 6 ans plus tard que ça s'est cassé, ça s'est cassé la gueule. Mais pff, quelle publicité pour cette chaîne. Oh la vache. Je l'ai noté sur Blue Sky quand j'ai parlé du film. Je dis putain, mais ça donne pas envie d'aller bouffer là-bas quoi. Oh là, t'as le mari et la femme qui épluchent les patates sur une table de la salle. Tout, tu te dis mais non, mais putain, c'est quoi ce délire. C'est ça où le truc ce, entre guillemets ce se fissure un peu la suspension d'incrédulité, tu l'as jamais puisque tu te dis oui non, ça se passe pas comme ça, mais tu te dis ben oui, ok, on est dans la pataterie, moi qui y ai mangé, ben non, il n'épluche pas les pommes de terre en non fait. Non, t'as des machines, ils ne font pas ça, tu as des machines ou alors même tu as la pomme de terre qui est vénère, oui, et t'as toujours la peau autour. Oui bien sûr. C'est donc là tu peux pas. Bon, ok, d'accord. Et ouais, ces personnages pour au final dire non, mais en fait, je suis pas votre père, etc. Tu fais quoi? Oh, attends, j'ai pas compris. Il y a ça, Brigitte Fontaine qui garde un bébé. Tu fais waouh. Qui se trimballe un moment avec le meuble de avec le salad bar et le couffin dessus et tout. Elle laisse le couffin chez Quick et t'as la femme qui vient le rechercher. Elle descend même pas de voiture, elle vient le rechercher au drive. Mais tu dis au drive-in. Non mais putain, mais pourquoi t'es au drive-in mais en fait? Mais t'es à un moment. Putain, dans l'écriture, les mecs, ils sont perchés, ils sont allés très très haut, ça. Très très loin, très très haut dans le truc en disant ouais, en fait, elle va passer au drive récupérer son landau quoi. T'es là, waouh. C'est ça. Mais au final, tu le vois tu avec le vois son dès avocat, le début, comme tu mentionnais avec avec son avocat qui. Et il n'y a pas un truc du genre, non mais on peut s'arrêter pour prendre un petit truc, ou... Il n'y a pas l'avocat qui dit c'est un truc vrai, comme ça, l'avocat je crois. Il dit, ah bah c'est marrant, j'ai jamais mangé de burger dans ma vie. Oui, de burger, tu fais, putain mec. Mais ça se voit que, ça se voyait que le film allait partir un peu en quenouille, parce que dès le début, effectivement, t'as cette scène, comme on disait au début de l'épisode, cette scène un peu lunaire, où t'as... Ouais, oui. À Poulvord et Dupontel qui viennent manger chez leurs parents, donc à la pataterie, et les deux parlent en même temps, et t'en as un qui a un discours mais totalement capitaliste et l'autre totalement anticapitaliste, et les deux parlent en même temps. Et t'as l'impression que c'est un numéro d'équilibriste et d'improvisation. Ouais. Parce que t'en as un qui parle d'un home cinéma 5.1 machin et tout, et Poulvord, je sais même plus de quoi il parle, mais putain, la scène a dû être... Je crois que c'est juste une anecdote personnelle ou un truc comme ça. Tu fais, mais qu'est-ce que... Et la scène, heureusement, elle est filmée... alors, c'est parce que, de toute façon, tout le film est filmé comme ça. C'est un plan séquence, parce que... Enfin, les caméras, c'est quasiment que de la caméra fixe, quoi. Hein, ou... C'est de la caméra fixe et, très et peu ça, de champ ça contre, bouge pas. T'as très peu de champ contre champ, en fait, dans le film. Oui, vraiment, le seul truc... Qui change un peu au niveau de la mise en scène, c'est quand tu vois les caméras de sécurité. Oui, c'est voilà. Tout. Ouais. C'est le seul, oui, c'est le seul un peu mouvement qui fait ouais. vivre un peu le truc. Et donc cette scène, en fait, ouais, elle est réalisée d'un seul tenant. Putain, je me demande combien de prises ils ont dû faire. C'est obligé, en connaissant en plus les deux abrutis, là, c'est obligé qu'à un moment, il y en ait un qui explose de rire ou qui fasse chier l'autre. Enfin, c'est... Ou même, tu vois, limite, je me dis pas du tout. Je me dis, ça se trouve, les mecs sont tellement à fond dans leur truc et peut-être qu'ils essayent de, tu sais, comme tu disais, de se faire chier l'un l'autre. Mmh. Et ben justement, ils se sont peut-être dit, ben on va essayer et moi, t'inquiète, je vais rester dans mon perso. Et en fait, ils restent tous les deux dans leur perso. Ouais. Mais moi, c'est un truc qui m'étonnerait pas de la part des deux, en fait. C'est autant je vois qu'ils peuvent se faire chier, qu'ils peuvent avoir fait 1000 prises parce que chiant. Autant ils peuvent l'avoir fait en one shot parce que ouais, vas-y, c'est les deux et ça m'étonnerait pas. Ça peut être de l'impro total, hein, de la part de l'un et de l'autre, hein, oui, en plus sur le truc, hein, c'est ouf, fort. Hein, ouais. Non, sur le comment dire le tour de main là-dessus d'acting, ouais, il y a pas grand chose à dire parce que effectivement ils sont assez justes dans leur dans leur interprétation. Ensuite voilà, tu adhères ou tu adhères pas, c'est autre chose, mais tu peux pas effectivement reprocher au film de sa justesse, ne serait-ce qu'en termes d'acting et de direction des personnages. Ah ça, oui, c'est, non, clair. C'est ça, même la scène, juste cette scène aussi, pareil, cette scène lunaire entre le père et ses Bully Lanners, je crois, qui joue le gars de la sécurité. Qui joue le gardien. Où ça joue juste sur les... Ouais, et ça va. Et du coup, faudra... Enfin, ouais, ça va, hein, quand même, faut... Ça va. Mm. Et c'est juste ça. C'est des trucs sur ça va ou je sais plus, mais c'est que des petites phrases comme ça et t'arrives malgré tout à comprendre les dessous de ce qu'ils veulent se dire et qu'ils osent pas se dire parce que ça va. Voilà, ça va. Ouais, et c'est clair. Je trouve ça fort. Je trouve ça fort, mais effectivement, on va en revenir là-dessus, pas une comédie. Non. Pas une comédie pour moi. Non, un film social. Moi, je le définissais effectivement. On aurait dit un épisode de striptease sur les cassos, quoi, en fait. Ouais, ben total. Ouais, je pense qu'il y a eu, je pense, une inspiration. Parce que ne serait-ce que quand Poulvord il est face à la vitrine du restaurant là, et en fait tout le monde le voit à l'intérieur. Mais lui, et lui, en fait, lui, il est face à un miroir et tout. Ouais. Et en fait, tu te dis qu'un punk à chien, il ferait ça, et il en aurait rien à battre du truc. Ouais, totalement. Et c'est là où tu te dis, ouais, d'accord, très bien, bah pourquoi pas. Et tu le disais tout à l'heure, t'as une succession de scènes lunaires, en fait, mises bout à bout. C'est, t'as des fois des trucs qui ressemblent. Oh, ça ressemble à rien, quoi. T'as l'impression d'être juste sur des mini-sketchs, en fait. C'est après, quelque part, ça se tient parce que t'arrives mine de rien à comprendre un petit peu la descente aux enfers de Dupontel, mais au final effectivement, tu vois, la première scène, ça peut faire un sketch. La scène où il essaie de s'immoler par le feu, ça peut être un sketch. La scène où il fait justement le con dans son entreprise parce qu'il vient de se faire licencier, ça ressemble à un sketch aussi. Enfin, c'est une succession de sketchs qui au final amène tout le film. Mais oui, après, c'est vraiment ça. Je t'avoue que d'habitude on peut avoir des éléments sur la comédie, des trucs comme ça. Là, je sais même plus quoi dire, en fait, parce que on est vraiment sur un truc où tu fais pour une fois on n'a pas pris une comédie, quoi. Bah ouais, c'est ça qui c'est très c'est, comment dire, c'est très désarmant, en fait, comme c'est désarmant totalement, puisque comme film, effectivement, on est censé répondre à la question et vous trouvez ça drôle vraiment? Non. Pas drôle. Spoiler. Non, c'est pas drôle. Non, ouais, c'est ça. Moi, j'ai il y a un moment où j'ai fait Voilà, ça m'a échappé. La scène avec Depardieu. Ah oui. Le début de la scène où tu vois la gueule de Depardieu avec son bonnet péruvien là. Et là, c'est sorti direct en disant putain. Et parce que il savait en fait en le mettant comme ça avec sa chemise comme un gros connard assis à une table avec son bonnet péruvien qui ressemble à rien, qui a aucune raison bonnet d'être. Bonnet péruvien dans un restaurant chinois. T'es là. Non mais what the fuck, et le reste de la scène où il lit l'avenir, c'est ça, dans le saké, voilà. Comme un gros alcoolique, on a le Depardieu qu'on connaît qui est égal à lui-même en 2012 par rapport au Depardieu de 2024-2025, ça ne change pas, voilà. Largement. Voilà, il n'y a rien qu'à changer en 12 ans, évidemment. Non. Et effectivement, qui fait ses blagues à la con, voilà, et à la fin, et tu vois une femme, ouais, je vois une femme, machin et tout. Ah ouais, elle est à poil, ouais, elle est au fond du verre. Ok, d'accord, blague sur la petite liqueur et tout. En vrai, je me dis. Ça se trouve, ça c'est un truc qui était même pas, enfin pas même pas prévu, possiblement mais d'aller pas jusqu'à écrit. Cette vanne-là, oui, possiblement. Pas écrit, oui. Et que ils l'ont improvisé, puisque à la fin les trois se marrent comme des connards, ils vont dire ok c'est bon on la garde, oui, oui. Parce que effectivement c'est pas si déconnant, mm-hmm. c'est pas non plus à se pisser de rire par terre, mais ça passe, ça passe. Mm-hmm. Donc ouais c'est très très très compliqué de parler de ce film en tant que comédie, c'est juste impossible en tant que comédie en tout cas, et parce que on le voit souvent sur ce prisme, on le voit tout le temps sur ce prisme là nous, mais et moi effectivement j'attends, tu mets quand même un peu de temps à comprendre qu'en fait tu vas pas te marrer dans le truc. Ouais, parce que tu te dis ça va toujours arriver. Il y a un moment où ça va arriver. Putain, t'as des amorces quand même, tu vois. Et des scènes qui pourraient prêter, tu vois. Dupontel au départ quand il se frite avec son directeur de magasin, tu dis à un moment ça peut partir en couille et te faire marrer. Et la scène un peu plus tard où en fait il te montre à l'écran de téléphone que l'autre il était là la veille complètement défracté et que il faisait des roulades sur tous les plumards etc et qu'il lui signe sa lettre d'œdème et tu dis en fait c'est peut-être cette scène là si tu l'avais pas sur un écran de téléphone mais en vrai qui pourrait te faire rigoler. Oui. Et en fait non, ils ont pris le parti de se dire en fait l'autre il se pointe et il comprend pas pourquoi il y a son carton qui l'attend sur son bureau et tout quoi. Et donc ouais, t'as toujours ce parti pris de dire en fait on te montre une chronique sociale du mais je pense que c'est ça qui fait que c'est ancré dans la réalité, ouais, justement. Ouais, totalement. Parce que si on l'avait vu en vrai, sans que ça passe par le téléphone, en expliquant « Ah bon, vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé hier ?»« Ben non. Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. » Et là, tu vois la scène. C'est quand même un autre parti pris où, ouais, potentiellement, ça peut tirer un petit peu plus sur le rêve, etc., sur la fabulation, que là, c'est vraiment... Non. Le mec a filmé avec son téléphone et tu vois le truc, tu fais... Oh, la déchéance du gars, c'est dur. C'est très, très dur. Bon, en attendant, ouais, il s'est envoyé 15 ou 20 bières, forcément, tu vois, au moment. Ouais, 15 ou 20 bières, ça va. Ouais, quoi. Ça va. Ça dépend en combien de temps, en fait. Oui, ça dépend combien de temps. Si c'est en l'espace d'une demi-heure, ouais, y a peut-être moyen que tu sois comme ça, effectivement. Mais c'est très... Tout le film, toute cette ambiance, en fait, c'est... proto-Groland, en fait, mais un peu plus sage. Mais ça va pas jusqu'au bout. Voilà, impertinent, mais sage. Et, c'est ça. Et comment... Et tu sens, effectivement, cette patte de Lupin Caverne. Oui, bien sûr. Mais là, effectivement, comme tu dis, on est sur un film qui tire la langue, mais qui va pas jusqu'à faire le doigt. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, pour nous qui aimons la comédie, forcément, il y a un goût d'inachevé. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais effectivement, tu peux tu peux pas qualifier ce film de... Alors, c'est très cloisonné dans le cinéma, mais parce que effectivement, la chronique sociale en tant que telle n'est pas un genre de film. Ça ne se qualifie pas comme ça. Ça se qualifie souvent de comédie dramatique. Voilà. Alors là, effectivement, là, il n'y a pas de drame, à part le pauvre mec qui se pend un manège. Ouais. Et ça t'amène au final... c'est là où je comprends pas trop le message non plus qu'a voulu être passé, parce que ça t'amène à ce grand soir où ils te font monter la sauce, tu sais, en disant oui, on va faire un truc, ça va être délirant, vous allez voir, on va renverser la société, pour que au final, à la fin, ils aient juste piqué quelques lettres sur des enseignes, et puis ils mettent ce jeu de mots, en fait, avec leur nom de punk. Voilà, we are not dead, on n'est pas mort, not et dead. On est not et on est dead, quoi. Voilà, c'est nous. À la fois signature ouais, mais et... Au final, ce truc-là, parce qu'effectivement, ils essaient de déclencher le grand soir en faisant des appels micro, des trucs comme ça, mais personne ne vient au final. Oui, parce que c'est de toute façon, dans la société dans laquelle on vit, de toute façon, les messages des marginaux ne passent pas. Non, qu'on est dans notre confort, oui, dans voilà. Notre bien-être. Parce que les gens s'en foutent, voilà. Oui, oh, c'est encore deux gogoles qui vont faire de la voilà, merde. Voilà, exactement. Ça va, hein, c'est bon. Effectivement, c'est des trucs où c'est toujours plus compliqué effectivement le message passe moins que et je trouve ça dommage hein, parce que ils peuvent avoir des messages à faire passer hein, mais c'est dommage que ça passe moins qu'une personne qui va être comme Dupontel au début du film, bien sapé, bien habillé, il va essayer de faire passer un message. Oui, d'accord monsieur, pas de soucis. Bon, sauf qu'il a pas de charisme, Dupontel, donc là, c'est compliqué, mais il lui arrive que des merdes, donc effectivement, mais ouais. Ouais, c'est... Alors, il interprète très bien, hein, ce personnage de... Ah oui de... Ah. De loser qui a pas de... Je vais pas dire qu'il a pas de vision, mais qui a pas de but dans la vie, en fait. Qui croit qu'il y a encore des trucs à ramarrer avec sa nana, mais qui... la seule chose qui les rattache, en fait, c'est leur enfant... Et puis lui, en fait, son enfant, c'est un... C'est... Ouais, je dois travailler, quand ouais, même. C'est un objet parmi d'autres, qu'en fait, il le laisse à sa mère, qui, elle, n'a aucune conscience de ce qui se passe autour d'elle. Et puis... Mais, qu'il et le après, laisse, c'est ça qu'il je le me laisse suis dans un quand même posé la question, c'est que, effectivement, elle a aucune conscience de ce qui se passe, mais pour autant, elle a quand même... engendrer et éduquer ces deux jeunes gens, avec un effectivement qui est devenu un peu punk à chien, et l'autre qui est mine de rien au début du film en tout cas bien établi dans la société, qui a une situation et qui a au moins entre guillemets pour arriver à cette situation réussi à acquérir entre guillemets tous les codes sociaux qui sont demandés pour faire entre guillemets bien dans la société. Donc je me dis, mais à quel moment ça a pu merder, en fait, parce que tu passes pas d'une maman qui arrive entre guillemets à bien éduquer un de ses deux enfants, hein. Après on connaît pas les hiérarchies, on sait pas qui est le grand frère, qui est le petit, oui c'est vrai, ouais. J'ai pas eu l'impression de... Donc tu sais pas de comment tu passes de ça à au final une grand-mère totalement dépassée qui sait faire que des patates ou juste regarder dans le vide et puis se dire bon je sais pas comment faire, bon je vais l'amener, puis je vais faire comme si je faisais une descente de drogue et puis je vais l'amener sur un salad bar dans un quick. Et puis c'est un moment, tu sens qu'il peut y avoir un arc de rédemption pour Dupontel, parce que son père qui est pas son père biologique, mais qui l'a élevé a priori, lui dit que grosso modo il lui fait passer le message que il voudrait lui refiler le restaurant, quoi, voilà, parce que pour qu'il continue le truc derrière. L'autre, il est à la croisée des chemins, parce qu'à ce moment-là il cherche un boulot. Parce qu'il s'est fait virer de la literie, il a cherché des boulots ailleurs, en étant bourré, super. Pas, peut-être pas la meilleure méthode, hein, entre nous. Bah, surtout dans un jouet club. Voilà, ouais, surtout quand t'envoies ton frère punk à chien parler à ta place parce que toi, t'es trop déchiré pour le t'es faire. Voilà. Et finalement, bah, quand son père dit que voilà, le rôle peut-être d'un fils, c'est de reprendre le truc et tout, et que le rôle du père, c'est de pouvoir passer le témoin, il n'y a aucune communication entre les deux. Aucune réception du truc et l'autre il est parti pour vriller total quoi parce que non mais parce que je pense que les parents là enfin comme on les voit comme ils sont dépeints ils sont juste je pense au bout du rouleau de voir que oui. Bah, leurs deux enfants en sont arrivés là et ils sont en vrai qu'est-ce qu'on a fait pour que ça en arrive là, c'est juste pas possible, c'est pas nous, c'est pas enfin on tient un restaurant, on a nos habitués, on a machin, ils viennent manger des fois, et le dialogue était rompu, donc là effectivement on est content parce que le dialogue est revenu entre les deux, mais c'est pas comme ça qu'on l'aurait imaginé, parce qu'il y en a un qui tire l'autre entre guillemets vers le bas, oui. C'est comme ça qu'ils doivent se l'imaginer, je pense, et c'est oh, bah ouais, ok, bon, bah devenez des adultes juste s'il vous plaît, parce que être punk c'est le symbole de l'adolescence finalement, c'est oui plus c'est la rébellion à tout moment machin, je l'ai eu hein, cette phase où j'avais une crête hein. oui, j'ai eu cette phase mais ouais c'est plus un truc symbole de l'adolescence et en fait il retourne, c'est plus Dupontel qui retourne du côté de l'adolescence avec son frère punk à chien que bah effectivement plus le passage à l'âge adulte où vient en fait on reste avec un chien et puis on continue à boire des bières, on se balade en Fenwick, on fait les cons et puis voilà, ce sera très bien comme ça quoi. On se va sur un rond-point, on se balade à poil, on prend son bain sur une ouais, bah écoute c'est là, c'est dispo, enfin, allons-y. C'est... Ouais, non, mais c'est ça, c'est un truc punk. Voilà, c'est punk. Oui, c'est punk, totalement. Voilà. Et du coup, j'ai envie de te poser la question quand même, à un moment donné. Hein ? Est-ce que t'as trouvé ça drôle, vraiment ? Alors, bah non, j'ai pas trouvé ça drôle. Et voilà. Mais parce qu'au final, on a traité de comédie ratée. Qui ne font pas rire, mais là en l'occurrence je pense que t'es d'accord avec moi, on est sur un film qui n'est pas qui n'a pas vocation forcément à faire rire, voilà. À part un ou deux petits moments, je parlais de Depardieu tout à l'heure avec son bonnet quechua, mais voilà là, c'est une satire sociale, c'est une critique sociale, mais effectivement, elle a, je pense, pas vocation à faire rire, et elle a plus vocation à te faire réfléchir mm-hmm. et à te faire vivre une tranche de vie, d'une marginaux quoi en fait. C'est ça. Et est-ce que c'est pareil pour toi, Flo? Est-ce que ce film tu l'as trouvé drôle? Ben je l'ai pas trouvé drôle. Non, je l'ai pas trouvé drôle, mais je l'ai pas trouvé raté non plus. Hein, pour autant, ça va. C'est un film qui se laisse regarder, mais effectivement, il y a rien de drôle dedans dans la déchéance d'un humain qui arrive vraiment que des merdes et où on est potentiellement sur un truc où effectivement ça va amorcer, mais ça va amorcer plus sur du malaise, sur des trucs ouais, comme totalement, ça, ouais. Et où tu te dis bah. Ouais, mais tu vois, c'est pas le malaise à la The Office où ça pourrait rendre le truc marrant. C'est un malaise vraiment malsain où tu te dis. C'est cringe. Ouais. T'as pas envie de vivre cette situation et tu fais. Ah non, totalement pas. Bah, je ne rigole pas devant ce truc. C'est. Mais je vois où ils veulent en venir. Moi, c'est un truc, effectivement, comme je le disais, j'ai eu ma période punk, donc. Ouais, hein, nos futurs, le grand soir, tout ça, vas-y, hein, let's go, on y va. Ça fait plaisir de voir Didier Vampas hein, faire le con. Voilà, c'est tout. Bah, se faire ses petits concerts tranquilles, quoi. Oui, c'est ça. Mais effectivement, hein, le côté drôle. Comment le film avec Junio sur les clochards, là, le nom du film m'échappe totalement avec Boringer. Putain, je l'ai plus. Tu vois, c'est... Ah merde, oui. Enfin, tu vois celui dont je veux parler. Oui. Voilà. Là, au moins, t'es... Voilà. C'est annoncé, c'est une comédie. Alors, dramatique aussi, parce qu'il y a, il y a un mort, au moins un. Et, mais voilà, ils ont pris le parti de vraiment faire des scènes et des séquences qui sont, voilà, qui sont drôles et qui tournent à la comédie et en dérision. C'est une époque formidable, c'est ça ? Je crois, oui. Oui, oui, une époque formidable. Oui, c'est une époque formidable. Voilà. Et oui, voilà, où il tourne en comédie certains passages, qui sont drôles et qui te font rire. Là, oui, effectivement, bah oui, là, on est, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, on est sur du striptease, quoi. On est vraiment sur l'émission striptease. On est plus sur une sorte de documentaire sans être assumé, sans ce truc-là, mais effectivement, on a plus cette vibe striptease avec la caméra et tout. Ouais, caméra à l'épaule, on est vraiment sur un type. On est vraiment typé documentaire, on est d'accord. Ouais. Et voilà, donc encore un film qui ne nous aura pas fait rire. Non, on commence à faire beaucoup là. On dit pas qu'il est mauvais, mais effectivement, dans le prisme de la comédie, il s'inscrit pas dedans. Quoi. Sachant que le but, c'est de savoir si on trouve ça drôle vraiment. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est pas le cas. Dommage. Dommage. Le coche est loupé, c'est moche. Avant de nous quitter, des petites infos de eh bien, ton côté. Oui, tout à fait. On est donc le 15 mai. Oui, donc début mai est sorti un épisode des Baby Graveurs où j'étais encore une fois tout seul puisque mes acolytes n'étaient pas disponibles, éclatés qu'ils étaient aux quatre coins de France et du monde. Et donc je me suis fait un petit plaisir de, je sais plus, 45-50 minutes en parlant du film City of Darkness, film HK, qui parle de la citadelle de Kowloon. L'action se passe dans les années 80. On est sur un film de Tatane qui la grosse bagarre. Et c'est un film extraordinaire. Pour moi, c'est le film de l'année 2024. J'ai pas vu sur les films sortis en 2024, j'ai pas vu de meilleur film que celui-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Et donc je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de pouvoir le traiter. Très bien. Et puis on a peut-être un épisode de date de sortie qui est sorti. Bah oui, on a un épisode de date de sortie qui est sorti là, le 1er mai, Fête du travail. Oui. C'était sur l'année 94, je crois. Tout à fait. Sur l'année 94, janvier 94, le début de l'année, où on a parlé. Il y avait du gros nom quand même. Il y avait du Evil Dead 3, Demolition Man, Police Story 3 et Priscilla Folie Désert. On est quand même sur un truc, un joli programme, on va dire. Voilà. Il y a eu des gens. Même si tout le monde. Même si je t'emmerde pour Evil Dead 3. Tout le monde n'a pas aimé tous les films, mais on a pris du plaisir à les regarder et à en parler tous ensemble. C'est ça. Effectivement. Et de ton côté. Le mois d'après, on a un autre épisode qui sort aussi, de date de sortie, mais on l'a pas encore enregistré, donc voilà. Donc on vous en parlera pas maintenant. Plus tard. non, de mon côté, rien de plus pour l'instant. Ok. Voilà. Ça mûrit, donc, ça mûrit toujours. oui, je pense qu'à un moment, je vais arrêter de le dire. Ok. Et qu'est-ce qui nous attend le mois prochain ? Eh ben oui, mais justement, j'allais dire, on va se retrouver le mois prochain puisque c'est un épisode de un peu particulier, sachant qu'on a enregistré l'épisode du mois prochain juste avant. Juste avant celui-là. Voilà, exactement. Pour que tout le monde soit au courant. Voilà, on est sur un double header à l'envers. Ouais, c'est ça. Eh bien, le mois prochain, on s'est dit. Tiens, on a eu Gravelax. On a eu Grey. On a eu Jess. Bah, pour compléter, il manque qui ? Il manque Storm. Il manque Storm, forcément. Et bah Storm, on l'a invité. Et Storm étant conducteur de train, on s'est dit, on va trouver un film pour lui. Donc on a hésité, on a regardé, on s'est dit, arrivé d'un train en gare de la Ciotat, trop court. Trop court et pas si drôle. 47 secondes, un peu court. Ouais, voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, Et si on s'excusait pour la gêne occasionnée? Donc, ce qui nous a amené à lui proposer, à lui imposer le film Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, qui rassemble Artus et Elsa Zilberstein, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Donc regardez-le avant l'enregistrement, ça peut vous faire plaisir. Vous nous remercierez ou pas. Oui, surtout ou pas, je pense. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Et vous trouvez ça drôle vraiment, avec la compagnie du bon Storm. Je te dis au mois prochain, Tom. Salut. Ça roule. Salut mon Flo. À bientôt. Ouais, à bientôt. Salut à tous. Ciao. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?